na sala zoba omaya Nimba kuna zala kapo beta se kombo na yo omaya Na ibi elo nzoko zala kinesese omaya Sima basanza ba oyo balinga kinga iba kiminga amaya Bapomese tamwisa kinga imuto omaya Zoka nde bazali iba kumala ufata mwe Omaya Na sala zoba omaya Niba kuna zala kako beta se kombo na yo omaya Na ibi lelo mzoko zala kinesese omaya Sima basanza ba oyo balinga kinga ima kiminda amaya Bapomese tamwisa kinga imoto omaya Zoka nde bazali iba kumala ufata mwe Ma petite poussin et pas une mongo et pas une sida à papa pas là-haut. baluka.